Alors maintenant, nous allons revenir plus précisément sur votre posture méthodologique et le choix d'une étude comparative de deux monographies. Comme vous le dites dans l'introduction de votre livre, vous comparez deux projets urbains au contexte économique et aux configurations politiques différentes. Il existe notamment des structures locales de gouvernement très différentes et des asymétries au niveau de l'autonomie des communes. Pourriez-vous revenir un peu plus en détail sur le choix et l'intérêt d'une comparaison dans le cadre de ce travail ? Alors, le choix, je vous ai déjà dit quelques mots à ce sujet. C'est presque moins important que l'intérêt, parce que la question, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on s'en sert une fois qu'on a pris cette décision, et puis comment c'est un moteur et une ressource pour l'analyse. Parce que finalement, le choix, au départ, il est lié à ma trajectoire personnelle, à mon intérêt pour l'Allemagne, ma conversion aux sciences sociales tardives, ma volonté d'avoir un lien avec la France et de ne pas uniquement analyser l'Allemagne d'un point de vue d'une personne en partie socialisée aux sciences sociales en France, mais de vraiment avoir une forme de symétrie, en tout cas de construire un équilibre entre deux cas, en France et en Allemagne. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure de la manière dont ma question de recherche évoluait, dont mes premiers résultats voyaient le jour, que j'ai réalisé l'intérêt et jusqu'où je pouvais développer certains résultats grâce à cette comparaison. Et quelque chose qui m'est apparu assez rapidement, c'est qu'au-delà des deux grands objectifs de promotion de l'attractivité et développement social local portés par des métropoles dans des quartiers populaires, objet de dispositifs de développement social des quartiers depuis des décennies, au-delà de ce point commun-là, bah, les deux projets sur lesquels je travaillais avaient l'air extrêmement dissemblables. Et un des grands apports de cette comparaison de deux cas particulièrement dissemblables, c'est que les points communs qu'on retrouve entre eux ont des chances de se retrouver dans une grande diversité de contextes. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire le livre ensuite à partir de la thèse, des années plus tard. C'est la découverte des travaux sur les mobilités de ménages, de capitaux, d'entreprises, où je me dis, mais en fait, les choses que j'ai vues, les formes d'impuissance dans lesquelles sont les professionnels de la promotion de l'attractivité, se retrouvent très probablement bien ailleurs, bien au-delà des agglomérations de Lille et Hambourg. Et le fait qu'on ait dans un cas un projet qui a l'air d'atteindre ses objectifs de loin, et dans un autre cas un objet qui apparaît comme un échec cuisant qui produit le déclin urbain qu'il prétend conjurer, ben peut-être que les similitudes qu'on va retrouver entre ces deux cas ont une chance d'avoir une portée généraliste beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un des premiers intérêts de la comparaison de cas dissemblables. Mais avant ça, la perspective de sociologie croisée que j'ai adoptée, elle m'a amené à construire un objet de recherche nourri des allers-retours entre les deux terrains. Je me souviens d'avoir eu cet intérêt pour l'histoire de la ville industrielle à Lille, parce qu'il y a ce lien étroit avec l'histoire de Roubaix-Tourcoing, etc. Ça m'a amené à poser la question de mais comment s'est structuré le capitalisme à Hambourg. Et ça en aller-retour avec les lectures de géographes critiques dont je vous faisais la mention. Et donc à chaque fois se poser la question de ce qu'on trouve sur un terrain, où se situe-t-il sur l'autre. Et si on ne retrouve pas un élément crucial, central dans un des cas, comment est-ce qu'on peut expliquer son absence si on le retrouve sur un cas, ce soit sur un cas différent. Donc cette pensée que l'historien Marc Bloch qualifie de pensée les possibles non advenus. Comment ça aurait pu se produire autrement. Et donc ça, les jeux de différence qu'il peut y avoir entre ces deux cas de ce type-là, c'est un outil pour l'analyse, pour organiser ces allers-retours. Si je parle de sociologie croisée, c'est en référence à l'histoire croisée. Donc des historiens qui ont théorisé cette manière de faire de la comparaison en pensant les interactions, les croisements, les rencontres qu'il y a entre deux cas étudiés, qu'on ne prend pas comme deux cas isolés dont on viendrait comparer les ressemblances et les différences, mais comme deux espaces, deux entités, deux faits sociaux qui ont forcément des liens. Déjà, ne serait-ce que par le lien qu'on construit entre eux en tant que chercheur, on les croise, on les regarde ensemble, et donc à partir de là, leurs ressemblances, différences vont faire qu'on ne va pas les analyser de la même manière que si on avait fait une monographie sur un de ces deux cas, ou que si on avait comparé six cas différents où il aurait fallu à l'avance identifier les variables auxquelles on voulait faire attention. dans cette idée de croisement, il y a un intérêt aussi pour les circulations. Et c'est là où l'histoire du développement social des quartiers elle a été intéressante à analyser entre Lille et Hambourg, parce que avant le lancement des grands projets sur lesquels j'ai travaillé, la construction du quartier sensible comme problème public, du quartier à problème, et son corollaire de la mixité dont on parlait tout à l'heure, cette construction d'une catégorie d'action qui a tendance à spatialiser la question sociale, ben on la retrouve dans les deux pays et dans les deux villes, et que ces processus-là sont convergents aussi parce qu'il y a des circulations entre les différents espaces. Et une partie des réformateurs de la ville de Hambourg qui ont porté les projets, les programmes de développement intégré des quartiers, ceux qui sont mis de côté par le LIBA, mais qui sont déterminants pour comprendre l'histoire de LIBA, parce que LIBA se construit en rejet et en négatif de ces projets-là, tout en reprenant une partie des objectifs de développement social local et d'intervention sur la question sociale, sur les problèmes sociaux depuis l'espace, et depuis une intervention massive sur l'espace. Ces projets-là de développement intégré des quartiers, ils ont été les descendants d'une lignée de programmes de géographie prioritaire sur une vingtaine d'années, qui ont été construites à l'image et dans l'inspiration de ce qui était fait en France en matière de politique de la ville, y compris aussi en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Et donc l'histoire croisée et la sociologie croisée que j'en ai faite, elle a cet intérêt de considérer les formes d'échange, de transfert, de circulation qu'on retrouve d'un terrain à l'autre, et qui permettent de concevoir que les dynamiques à l'œuvre, elles ont des choses en commun, parce que ces sphères-là ne sont pas étanches, et qu'il y a des échanges d'idées, d'instruments, des circulations de personnes aussi. Et peut-être dernier usage de la comparaison, qui est un petit peu au cœur de mon premier chapitre et des chapitres 5 et 6, c'est essayer de comprendre des trajectoires urbaines différentes. Même si le résultat des deux projets de renouvellement urbain sur lesquels j'ai travaillé est très différent dans le cas de LIBA et ensuite de l'Union, ils sont quand même révélateurs de logiques de production de la ville qui sont analogues, et ils nous apprennent quelque chose en commun de ce que peuvent les villes dans le gouvernement du changement économique et du changement social. Dans le cadre de l'Union, ce qui explique le caractère particulièrement difficile et la déroute particulièrement importante du projet urbain, c'est sa déconnexion avec l'économie et la société locale. C'est parce que le projet s'est étendu sur une très longue durée, qu'il a été porté par des personnes assez hors sol de par les logiques institutionnelles de fabrique des politiques publiques, qu'on a pu produire la friche en accompagnant le déménagement des entreprises et des populations qu'on souhaitait écarter, sans même réussir à la réurbaniser derrière. Là où le succès apparent de LIBA, il est au contraire lié à l'encastrement du projet dans la société économique et la société et l'économie locale. C'est parce que le projet répondait à des intérêts économiques assez centraux dans le système politico-administratif hambourgeois, à un moment où l'économie de l'immobilier gagne en importance, où la direction des finances a tout intérêt à ce qu'on intensifie, on développe la densité démographique de la ville de manière générale. Elle souhaite maximiser ses entrées fiscales, et globalement, elle est favorable à la réurbanisation de l'île de l'Elbe, parce que qui dit développement de programmes résidentiels à cet endroit-là dit population de contribuables plus importante, et donc elle donne son aval. Elle est elle-même gestionnaire du foncier public qui est très important sur l'île de l'Elbe, et donc elle déploie des ressources extrêmement importantes au service du projet, parce que l'intérêt de l'équipe administrative et politique des élus conservateurs et libéraux qui font partie de la coalition à ce moment-là, l'intérêt de l'administration fiscale comme de l'administration de l'urbanisme se mettent à être alignés, et on peut du coup mettre de côté les intérêts d'autres institutions, en l'occurrence celles qui gèrent le port et la direction de l'économie, qui jusqu'ici voulaient garder la main mise sur ce territoire qui historiquement avait été le leur, parce que utile à l'économie productive, à l'économie industrielle. Et donc, tout en ayant des trajectoires très différentes, ces deux projets montrent l'importance de l'encastrement justement des politiques publiques dans les sociétés qu'elles tentent de gouverner, et l'échec de l'un éclaire d'une certaine manière la réussite de l'autre. Ouais, je m'arrête là, mais en gros, c'est ça les trois principaux enseignements, les trois principaux intérêts de la démarche de sociologie croisée que j'ai adoptée. D'accord, merci beaucoup. Et par exemple, à l'inverse, quels sont les potentiels freins que peut poser une comparaison, enfin, oui, que peut constituer une comparaison dans votre analyse, pardon. On peut répondre à cette question de plein de manières. Déjà, il y a toutes les difficultés existentielles que ça pose quand on est en train de la faire, parce qu'on est sans cesse en train de se poser la question de la délimitation de son objet, se dire, est-ce que ce que je questionne là, je vais vraiment pouvoir le questionner à l'échelle des deux cas ? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension qui est tellement prégnante dans un cas et tellement absente dans l'autre que même discuter l'absence de cette dimension dans l'autre ne va pas suffire pour qu'on puisse vraiment la creuser ? Pour vous donner un exemple concret, le projet de Hambourg a un volet socio-éducatif et culturel. Il y a des écoles de la diversité avec l'apprentissage des cours donnés en bilingue pour les enfants issus de l'immigration turque. Il y a tout un volet qui vise à organiser un peu à améliorer le paysage socio-éducatif local, chose qui est très peu présente à l'Union, déjà parce que le projet voit seulement le jour 10 ans après ma soutenance de thèse, mais aussi parce que l'agglomération de Lille n'a pas du tout les mêmes compétences en matière de politique éducative que la ville Lente de Hambourg, qui a un statut d'État fédéré et qui du coup a beaucoup plus d'attributions que l'agglomération de Lille. Donc à partir de là, il y a des choses qui font partie de l'objet hambourgeois qui auraient pu être davantage questionnées et qui auraient pu faire l'objet d'une analyse à part entière, dont l'absence à Lille peut difficilement faire l'objet d'une analyse par l'absence et par le négatif, tellement que on parle plus de la même chose, quoi. Donc ça, c'est peut-être une des limites importantes, c'est qu'il y a des choses qui, dans une monographie, auraient pu être creusées davantage et qui, là, ne peuvent être qu'évoquées et ne trouvent vraiment pas d'écho dans l'autre cas. Mais globalement, la principale difficulté, c'est la manière dont on la vit, cette comparaison sur le terrain, et dont on l'assume institutionnellement ensuite. C'est-à-dire que on est dans un univers académique qui est quand même très franco-français, y compris et en particulier dans les champs de la sociologie qui m'ont formé et qui m'ont le plus inspiré. Et il est extrêmement difficile de faire valoir l'intérêt d'une comparaison et d'une perspective internationale dans ces milieux-là. C'est une frange particulière de la science politique qui a un intérêt pour la comparaison et qui peut être réceptive de mon travail à l'époque pendant que je faisais ma thèse et aujourd'hui. Mais c'est loin d'être dans les pratiques et dans les attentes de ce que c'est que l'excellence universitaire, de tout un tas de champs de la sociologie qui ont été hyper importants pour ma formation intellectuelle et aux yeux desquels il est jusqu'à aujourd'hui très difficile de susciter un intérêt par l'approche l'adoption d'une approche comparative. Et donc je pense qu'il y a c'est pour ça que je parlais de questions existentielles, c'est-à-dire qu'on est à la fois perdu en tant que doctorant parce qu'on a peu d'exemples de personnes qui ont fait des comparaisons avant soi. On est sans cesse en train de remanier des frontières d'un objet en ayant toujours peur de se dissoudre dans l'infinie complexité de chacun des deux cas, renforcée par le fait qu'il faut en discuter et les penser ensemble. Mais aussi en termes de trajectoire de professionnalisation, parce qu'on n'est pas du tout sûr que tous les efforts qu'on fait pour construire un objet unifié à partir de deux cas différents va être payant à terme. Et ça fait un lien avec les conditions matérielles de conduite de la recherche sur est-ce qu'on l'a fait financer ou pas ? Et après le financement, est-ce qu'on on s'en sort si on l'a fait au chômage ou pas ? Et une fois qu'on a fini la thèse, bon an, mal an, avec du chômage et du travail gratuit pour 50% du temps, quand est-ce qu'on est embauché en tant que titulaire avec des conditions de travail dignes ? Et toutes ces questions-là, forcément, en fonction de là d'où vous venez et des autres ressources que vous avez autour de vous pour faire votre travail de chercheur, elles s'invitent dans votre quotidien. Et des questions scientifiques de pourquoi la comparaison, comment la comparaison, elles sont toujours un peu percutées par ces questions matérielles de structuration du champ académique et de nous, notre petite vie précaire, en tout cas jusqu'à 2019 me concernant, comme on tire notre épingle du jeu dans tout ça, quoi. Okay. Merci beaucoup. Pour continuer un peu sur cette comparaison, dans votre ouvrage, vous traitez de façon symétrique les projets de Lille et Hambourg, avec notamment les chapitres 5 et 6 qui sont écrits de manière monographique. Comment vous justifiez ce choix d'écriture dans l'analyse comparative ? C'est un choix qui est intervenu au moment de la transformation de la thèse en livre. Okay. Parce que justement, il y avait une envie de rendre justice et de retrouver de l'espace pour entrer dans la singularité de chacun des cas, et du cas hambourgeois en particulier. Puisqu'en lien avec ma réponse précédente, c'était très compliqué de publier en français dans les revues de sociologie valorisées dans le champ académique sur le cas hambourgeois, parce que personne n'en a rien à faire de l'Allemagne. Et que, au-delà de ça, ce que je pouvais dire à propos du cas allemand était tout aussi facile et même beaucoup plus simple à démontrer à partir du cas français. Et j'ai bataillé pendant 3 ans après ma thèse, par exemple, à faire un projet de papier comparé qui essaie de tenir ensemble l'Union et l'IBA dans une revue en 80 000 signes, ce qui sont les plus généreuses en termes de signes. Et ben, j'ai échoué 3 fois avant de défendre la même thèse avec uniquement le cas français et où c'est passé du premier coup. Donc ça touche aux cultures universitaires, ça touche au format de comment on fait de la comparaison en étant attentif au contexte, en faisant de la sociologie historique et de la sociologie des acteurs qui restituent les profils, les trajectoires des personnes qui sont à l'œuvre dans les politiques publiques et leurs différents jeux de rôle dans les instances dans lesquelles elles sont impliquées. Pour filer ma discussion sur le champ académique, je ne pensais pas parler de tout ça aujourd'hui. Y a les gens qui font de la comparaison, il y en a, accordent moins d'attention au contexte, au profil et aux trajectoires sociales des acteurs. Mais aussi pour des raisons de format, parce que quand on doit faire ça en double, à raconter, il faut savoir qu'en Allemagne, le champ de l'urbanisme est structuré de telle manière, ils ont fait telle étude, ils sont passés par tel type d'école. C'est très difficile dans un cadre restreint d'avoir cette attention-là aux détails, aux variables sociologiques un peu clés et un peu qualitatives. Et refaire de la monographie, c'était une manière de rentrer dans le détail des dispositifs dont il était question et de parler des choses aussi qu'on retrouvait que d'un côté et pas de l'autre, ou en tout cas de rentrer dans la complexité de chacun des deux dispositifs. J'ai quand même intégré ces deux chapitres dans une même partie et je les ai structurés de la même manière. Ils sont organisés, chacun de ces deux chapitres-là, en 3 temps, où, pour qu'ils participent quand même de la même démonstration, j'étudie la place de chacune des coalitions d'acteurs dans le système d'acteurs de chaque agglomération, les stratégies de labellisation qu'ils mettent en place, chacun à leur manière, en fonction du caractère relativement marginal et fragmenté de la coalition à Lille, et relativement centrale et relativement convergente de la coalition de projet à Hambourg. Et ensuite, je m'intéresse aux conséquences que ça a sur la fabrique du projet et comment tout ça se comprend au regard de la trajectoire plus générale de l'agglomération de Hambourg et de Lille. Ce qui fait écho, en fait, au chapitre 1, qui vient annoncer un petit peu la sociologie historique de ces trajectoires urbaines différentes, puisqu'elles sont à comprendre au regard de la manière dont ces deux espaces urbains se sont industrialisés puis désindustrialisés. Ok, merci beaucoup. Nous aimerions à présent nous intéresser de manière un peu plus précise à votre méthodologie de terrain, en s'appuyant notamment sur un passage de votre texte situé au chapitre 4 de votre ouvrage, dans la sous-partie intitulée « L'excellence économique, architecturale et environnementale face à l'attraction du capital ». Vous y présentez un extrait de carnet de terrain où il est écrit « Me voyant prendre des notes avec une certaine excitation, il me dit presque amusé « On n'a pas le droit d'écrire ça comme ça ». Vous répondez « Ou alors je l'écris en français ». Il répond « Ou bien je l'écris en français ». Ici, vous parlez d'un échange avec un enquêté concernant la fixation des prix de vente de terrain public pour le projet de Hambourg et les entorses faites aux critères d'excellence. Au moment de votre enquête, comment vous négociez votre place auprès des personnes réticentes à l'idée de partager certains aspects des projets, d'autant plus qu'ici, les propos de vos enquêtés ne sont pas anonymisés. Est-ce que ici, la langue a pu être une ressource pour gérer les situations de confidentialité ? Il y a plein de questions intéressantes dans votre question. Alors déjà, il y a peu de réticence à ma présence sur le terrain. Okay. Faut savoir qu'on a essentiellement à faire, c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler sur et avec les techniciens de la fabrique de la ville, parce que c'est des gens qui sont peu exposés publiquement, qui comprennent très bien de l'intérieur les mécaniques de fabrique des projets urbains et qui n'ont à peu près aucun espace pour en parler. Donc ils sont très contents d'avoir un espace de réflexivité où il y a quelqu'un qui les écoute avec sérieux et comment dire, avec une posture compréhensive qui met en avant leur savoir d'expert, etc., et auxquels ils sont contents de raconter les difficultés qu'ils ont aussi à atteindre les objectifs qu'on leur a fixés. Donc c'est aussi une manière de prendre de la distance par rapport aux contradictions dans lesquelles ils sont pris et aux logiques hiérarchiques qui font qu'ils ne font pas la ville comme ils aimeraient toujours. Ils doivent se plier à un agenda politique, à l'inertie des institutions à tous ces enjeux d'inertie même de la société et des économies localisées dans lesquelles les projets urbains dont ils ont la responsabilité doivent être mis en œuvre. Donc globalement, en particulier quand vous enquêtez en Allemagne en tant que petit Français, on vous accueille avec une certaine hospitalité, parce que ça ne leur arrive jamais sinon, et que même ont un... pour une grande partie d'entre eux, un intérêt et une opinion globalement positive de la France. Et quand en plus vous arrivez en parlant allemand, généralement, y a peu de réticence. C'est donc comme ça que je négocie des premiers entretiens dès mon master pour le cas de Hambourg. Et je retrouve un même directeur administratif au moment où je démarre ma thèse, qui est ravi de me revoir, dont le fils a le même âge que moi, fait aussi de la science politique. Et alors qu'il me raconte ses vacances dans le sud de la France qu'il aime tant, il me dit « Écoutez, si ça vous semble important, je peux essayer de vous négocier une place de stagiaire observateur dans l'institution, la société, alors dans mon institution, donc la mairie d'arrondissement de Hambourg-Mitte, dans laquelle le projet d'IBA est mis en œuvre, mais aussi dans les instances partenaires, en l'occurrence la société publique d'aménagement de l'IBA GmbH qui est en charge de la mise en œuvre du projet, et à la direction de l'aménagement et de l'urbanisme à la ville-centre. Et donc, en 6 semaines, je vous ferai visiter toutes les institutions et je négocierai votre présence dans les lieux. » Et donc, c'est à la fois la présence au long cours en lien avec ses proximités sociales et francophile, ma germanophilie rencontrant sa francophilie, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui ont joué en faveur de mon immersion dans le terrain. Mais côté français, ça s'est passé tout aussi simplement, en fait, parce que je m'adresse à des techniciens, une fois encore, qui sont peu exposés, qui sont contents d'avoir un espace de réflexivité, qui ont mon âge, et en les impliquant suffisamment dans l'entretien, dans l'analyse de ce qu'ils font, très vite, ça devient logique pour eux aussi qu'il faut observer les choses en situation et que le récit en entretien ne suffit pas, et ils en viennent à m'accompagner dans la négociation de mon immersion en tant qu'observateur dans les réunions auxquelles j'ai pu assister, parce que même ont été convaincus de l'intérêt qu'il y a à les voir agir et travailler en action plutôt qu'uniquement parler de ce qu'ils font. Donc là-dessus, la posture de recherche compréhensive, de sociologie compréhensive, elle peut être aussi un atout pour négocier cette place sur le terrain. Il y avait une autre dimension dans votre question, j'ai oublié. Est-ce que la langue a pu être une ressource pour gérer des situations de confidentialité? Ouais. Et après la réticence, je crois qu'il y avait un autre truc, non? Alors je peux répéter la question. Non, attendez, c'est celle-là. Au moment de votre enquête, comment vous négociez votre place auprès des personnes réticentes à l'idée de partager certains aspects des projets? Ça, et voilà. Et la deuxième, du coup, c'était la question de la langue. Ouais. Non, mais le seul petit truc que j'ai peut-être oublié, c'est que ça n'empêche pas qu'il y ait des choses plus ou moins sensibles. Ah oui, et surtout, vous avez dit que je n'avais pas anonymisé les enquêtés. Ça ne va pas du tout, parce qu'ils sont anonymisés. Ils sont pseudonymisés, c'est-à-dire que tous les noms qui apparaissent sont des noms d'invention. Ah, d'accord. Grâce au simulateur de prénoms de Baptiste Coulmont, qui vous permet de choisir un prénom de milieu social équivalent pour raconter quelque chose de crédible, mais que les gens ne soient pas identifiables. Ils sont pas complètement anonymisés, au sens où je raconte que c'est l'Élysée Hambourg, l'IBA et l'Union. Donc à partir du moment où on a été dans ces équipes et où on sait qui était à quel poste en telle année, on retrouve de quelle personne on est en train de parler. Vu que c'est des projets maintes fois restructurés, souvent en crise, etc., il y a un turnover relativement important qui fait qu'il faut vraiment avoir une bonne mémoire pour savoir de qui je suis en train de parler à ce moment-là. Et surtout, la posture analytique qui consiste à ne pas juger personnellement les individus et ne pas leur attribuer la réussite ou l'échec du projet fait que normalement, même quand on se reconnaît et qu'on reconnaît quelqu'un, il n'y a pas d'information ou de prise de parole, prise de position qui a l'air complètement irresponsable. On sait que ce genre de choses est dite de manière relativement confidentielle et que la personne ne l'aurait pas dit si elle avait été dans une posture officielle de représentation de son institution. Donc là-dessus, il y a tout un travail de pseudonymisation et d'anonymisation partielle qui protège à minima les personnes et qui est une des conditions d'accès aussi à ce type d'espace, que les gens soient en confiance avec le fait qu'on ne va pas faire fuiter ce type d'information, ce type de prise de parole sans autre forme de précaution. Le fait qu'il y ait un gros délai aussi entre la réalisation de l'enquête, le déroulé du projet et la publication des articles. Alors les premiers, ils sortent dans les années 2018-2019, mais on est quand même déjà 4 ans après la fin de ma thèse, et parfois déjà 6 ou 7 ans après les entretiens ou les scènes que j'observe. Donc c'est des choses qui permettent de ne pas risquer que les gens se trouvent trop facilement reconnaissables et trop désagréablement exposés. Voilà, ça n'empêche pas que des fois il y a des savoirs sensibles et que gagner la confiance de l'un ne donne pas toujours un blanc-seing auprès de l'autre. J'ai un exemple où typiquement pour le cas français, la personne avec qui je fais un des premiers entretiens, qui ça se passe très bien, qui m'introduit ensuite en tant que stagiaire, en tant qu'observateur dans une série de réunions, prépare pas complètement le terrain avec le responsable de la réunion, qui le vit assez mal, m'envoie un ou deux regards sombres et se débrouille pour que je n'assiste pas aux deux réunions suivantes. Et c'est seulement quand j'ai refait un entretien avec lui et que je l'ai rassuré sur le fait que je posais des questions qui pouvaient être intéressantes pour lui et que j'allais pas divulguer au grand public à la face du jour ce qui pouvait se dérouler dans ces réunions, qu'il me redonne l'autorisation que son collègue m'avait initialement accordée. Et qui, pour la petite histoire, est un des derniers enquêtés avec lequel je suis encore aujourd'hui en lien et qui était passionné et très content d'avoir un exemplaire de l'ouvrage il y a quelques mois. Ok. J'en profite pour rebondir sur le fait que vous avez mentionné qu'il n'y avait pas forcément de réticence de votre par rapport à votre présence, que ce soit du côté français que du côté allemand. Qu'est-ce qui explique que du côté français, il me semble que vous aviez une vingtaine d'entretiens et du côté allemand, une quarantaine. Est-ce que c'est un choix de votre part d'avoir eu moins d'entretiens du côté français ou ça révèle d'autres choses ? Ça fait très bien le lien avec la question sur la comparaison, puisque en fait, j'ai fait beaucoup plus d'entretiens en côté allemand parce que j'étais beaucoup moins longtemps côté allemand, parce que je voulais avoir une vie à Lille. C'était beaucoup plus facile de faire des observations au long cours à Lille parce que je pouvais, du jour pour le lendemain, entendre parler d'un rendez-vous ou de réunion et m'y rendre. Là où à Hambourg, j'étais de manière beaucoup plus concentrée sur place, en fait. Je faisais des séjours de 6 semaines, 4 semaines, parfois 3-4 jours, et soit c'est les séjours de 6 semaines, 4 semaines, c'était mes temps de négociation, d'observation négociée, où j'avais mon stage en présence dans ces différentes institutions, soit j'enchaînais les entretiens où à l'avance je prenais rendez-vous avec 3-4 personnes que je voyais dans la semaine, quoi. Et donc ça m'a encouragé à multiplier les entretiens parce qu'il fallait que je rentabilise chacun de mes séjours en essayant de voir un maximum de personnes parce que je savais que c'était à durée déterminée. Là où à Lille, j'ai pu observer un nombre de scènes plus importantes. Et du coup, la multiplication des entretiens m'est apparue moins déterminante. J'arrivais à comprendre certaines choses en les observant et j'ai rencontré un nombre d'acteurs moins important parce que l'observation pouvait être plus prolongée. Après, c'est aussi lié au fait que j'ai, notamment pour la partie sur l'histoire du développement social des quartiers, développement intégré des quartiers à Hambourg, c'est des entretiens que j'avais commencé pendant mon mémoire de master. Ce qui nourrit le chapitre 2 sur l'histoire de ces dispositifs et comment ils viennent progressivement se faire métropoliser, se faire prendre en main par la puissance publique métropolitaine, ça, c'est aussi parce que j'ai eu un an de plus en Allemagne, d'une certaine manière, pour faire des entretiens que j'en ai accumulé davantage, quoi. Ok, merci beaucoup. Pour finir cette partie, dans votre livre, vous mentionnez différentes mobilisations ou oppositions aux deux projets urbains, souvent pour montrer des effets de ces contestations sur l'action publique. Votre analyse reste concentrée sur les acteurs publics. Pourquoi ne pas avoir davantage intégré la parole ou les pratiques des acteurs militants ou encore des habitants, habitantes qui étaient déjà présents ou cibles de l'action publique au sein de votre enquête ? C'est une super question et ça me permet de dire un truc plus concret aussi pour vous répondre sur les limites de la comparaison. C'est déjà très compliqué d'étudier des projets urbains qui se déploient sur 10 à 25 ans. Ça le devient encore plus quand ces projets-là ne se déploient pas à la même vitesse. En 2013, officiellement, le projet d'IBA est terminé et le projet de l'Union est encore en friche totale. Alors, comment on fait dans ces cas-là pour comparer les répercussions socio-spatiales des projets? Quand il y en a un, il est à peine arrivé à 50% de son temps de mise en œuvre et que l'autre est censé être terminé. Donc ça, c'est une limite cruciale. Et si j'avais travaillé uniquement sur le cas de Hambourg, j'aurais pu commencer à amorcer une étude sur les répercussions socio-spatiales et la réception du projet. À défaut de creuser davantage les mobilisations, parce qu'il y en a eu quelques-unes, etc., il y aurait eu, à mon sens, quelque chose de très intéressant de faire sur la perception ordinaire du projet par les habitants du quartier qui étaient là avant son impulsion. Mais la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que déjà j'avais peur de ne pas réussir à délimiter mon objet, en lien avec ce que je vous disais sur la comparaison de plus on creuse, plus il y a des tentacules et plus elles sont décuplées par le fait qu'il faille les mettre en discussion entre deux cas issus de contextes très différents. Mais aussi parce que du coup, je ne voyais pas, en termes de temporalité, comment il était possible de recueillir des points de vue, des rapports au projet urbain quand les temporalités étaient aussi différentes. Mais Mais c'est quelque chose qui pourrait théoriquement être fait aujourd'hui et dans les années qui viennent, même si, une fois encore, il aurait fallu que je commence à Hambourg il y a 10 ans et que je finisse aujourd'hui à Lyon. Enfin, il y a quelque chose d'un peu intenable dans cette logique-là. Après, au-delà des contraintes de la comparaison, je pense qu'il y a... c'est un lien étroit avec une des questions de recherche que j'avais au début et qui était très ouverte et très descriptive, qui est qui gouverne, qui prend la décision, qui façonne le cadre thématique, politique, géographique des projets et qui décide de ses priorités. À aucun de ces moments, les mouvements sociaux, les formes de résistance, les habitants mobilisés, pour rares qu'ils aient été, me sont apparus déterminants. Et je pense qu'il y aurait eu plus de choses à dire sur la réception de cette action publique, mais dans la mesure où une grosse partie de mon enquête était sur l'avant et le pendant, en tout cas l'impulsion de la dynamique de reconversion de ces quartiers, c'était compliqué d'accorder une place aux habitants qui, de fait, derrière, à l'exception de quelques dispositifs participatifs très instrumentalisés, n'ont pas eu une place déterminante. En fait, même à Hambourg, où leurs intérêts sont moins directement bafoués, ils le sont parce qu'ils ont des relais à l'intérieur de l'institution, de personnes qui ont suivi des processus participatifs où la question de l'éducation, par exemple, a été mise fortement en avant et qui devient la référente du projet éducatif, qui est lui-même institué, institutionnalisé dans les objectifs du projet. Et d'une certaine manière, ça m'avait l'air, voilà, plus facile à circonscrire et plus pertinent du point de vue de la question de l'exercice du pouvoir. Mais dans un monde idéal où on aurait été deux et où on aurait eu 10 ans de plus, je pense que j'aurais été ravi d'avoir aussi cette dimension-là. Je pense qu'il y a eu un besoin de faire la part des choses et peut-être aussi une forme de début de cynisme, je ne sais pas comment le qualifier, mais mon M1, c'était sur la participation des habitants dans la politique de la ville. Et très vite... j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle était inexistante ou cosmétique, quoi. Et c'est ce qui m'a donné envie de remonter à l'échelle de l'administration et de faire cette histoire de mais alors d'où viennent ces dispositifs de politique de la ville, et ensuite de me tourner progressivement plutôt vers l'économie de l'immobilier, qui m'est apparu comme un des moteurs un peu déterminants de cette transformation. Et pour essayer de donner un ton moins pessimiste à tout ça, je me suis aussi senti plus utile, je pense, en décryptant les sphères économico-politiques et les logiques de transformation de production de la ville et de décision, qu'en allant montrer comment des résistances qui m'avaient l'air en grande partie perdantes perdaient. Il y avait un peu un truc de... Si ça pouvait être utile à ces résistances-là que de comprendre de l'intérieur ces politiques publiques et leur construction, ça, je me sentais plus à ma place que d'approcher une réception de projet qui était trop tentaculaire et trop distendu dans le temps pour que je puisse vraiment donner leur place finalement aux habitants et habitantes ordinaires qui auraient mérité d'avoir un chapitre à LEE au moins, mais dans cette économie là globale de la thèse, je n'ai pas trouvé la manière de défendre cette place là. Ok, merci beaucoup. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à la ville de Saint-Étienne pour voir si on retrouve des logiques similaires. Le cas de la ville de Saint-Étienne montre comment le patrimoine peut être mobilisé au service d'un projet urbain et politique. Ancienne grande ville industrielle, elle connaît un fort essor au XIXe siècle grâce au charbon, au textile, mais aussi grâce à l'armement, incarné par la manufacture d'armes. À partir des années 70, la ville entre en crise. Advient une désindustrialisation, apparaissent des friches, le centre-ville entre en déclin démographique. Les politiques urbaines cherchent d'abord à rompre avec ce passé, avant de le revaloriser. Le patrimoine industriel devient une ressource pour redéfinir l'image de la ville. La transformation de la manufacture en cité du design illustre cette stratégie, mêlant la reconversion économique, marketing urbain et attractivité sociale, en misant sur la culture. Toutefois, ce processus est conflictuel. Certaines visions du patrimoine s'opposent, notamment entre mémoire ouvrière et valorisation institutionnelle. Finalement, certains éléments sont détruits, révélant une sélection du passé. Le patrimoine apparaît ainsi comme un outil stratégique de transformation urbaine et identitaire. En guise d'ouverture, nous voulions prendre l'exemple de la ville de Saint-Étienne, puisque celle-ci a fait l'objet de travaux, notamment de la part d'Amélie Nicolas et Thomas Zanetti. Nous nous sommes appuyés sur leur article « Patrimoine et projet, produire et valoriser la localité à Saint-Étienne, Nantes et Clermont-Ferrand ». Selon vous, le patrimoine est-il devenu un simple outil narratif au service de l'attractivité ? Non. Je pense que c'est jamais aussi simple que ça, et que justement, il y a mille et une manières de lui donner du sens, et les luttes mémorielles que vous évoquez dans votre question en introduisant montrent bien que il ne peut pas être que ça. Je pense que c'est un support privilégié de ces discours-là et de ces politiques-là, parce que bah, forcément, ça donne l'impression de pouvoir concilier ces objectifs contradictoires qu'on a pu évoquer ici, puisque ça donne l'impression de pouvoir rendre hommage au passé, aux personnes qui ont travaillé dans pour le patrimoine industriel, aux personnes qui ont travaillé dans ces espaces-là, comme à celles qui ont dirigé ces usines. Donc il y a quelque chose d'un peu œcuménique aussi, c'est-à-dire qu'on fait une histoire du territoire qui rend hommage à tout le monde, comme si tout le monde l'avait vécu de la même manière, alors même que ça a été objet de luttes sociales et d'inégalités, de rapports de domination hyper, hyper violents, mais le fait de rendre cet hommage-là, bah, ça montre qu'on on en a conscience, ou en tout cas on fait comme si on en avait conscience, et on porte ce récit un peu inclusif et aveugle à la violence et aux inégalités qui ont marqué cette histoire-là. Et en même temps, donc ça fait une sorte de référence au passé œcuménique, irénique, et ça peut être une projection vers l'avenir, en mode rendons ce patrimoine visible, donnons-lui de la valeur et intégrons-le dans une économie de l'enrichissement touristique qui n'a plus besoin de la manufacture, qui de toute manière n'est plus là pour produire de la richesse. Donc ça peut occuper une place centrale dans les politiques d'attractivité. Mais on se rend bien compte que pour toutes les raisons que j'ai suggérées, c'est forcément source de conflits, ou en tout cas de conflits d'intérêts, même si ces conflits sont plus ou moins pacifiés au nom de cette mémoire commune, quoi. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Ça a le mérite de ne pas avoir été démoli, parce que une des limites de certaines politiques d'attractivité qui veulent justement tellement s'intéresser à l'avenir et à l'exogène, à tout ce qu'il faudrait faire venir sur le territoire, bah c'est d'en arriver à ne pas voir ce qui est déjà là. Et à l'union, c'est ce qui se produit. Hein. C'est au nom de l'attraction de ces nouvelles activités, on démolit tout. Selon des logiques institutionnelles et des temporalités complexes qui font que c'est loin d'être un projet complètement méchant et idiot. Mais en termes de résultats sur la fabrique de la ville, c'est assez flagrant comment l'invocation du futur permet de faire table rase du passé et du fait du présent aussi, quoi. Et c'est peut-être un des mérites des politiques de patrimonialisation qu'elles essayent de partir d'une certaine forme d'existant. Le problème, c'est que c'est un existant muséifié, quoi. Et que là, le caractère ouvert et démocratique de d'où on vient et quel est le sens de ce patrimoine aux yeux des personnes qu'on est et de l'histoire familiale, du rapport au territoire, du rapport à ce patrimoine-là qu'on a individuellement ou collectivement, c'est pas une question qui est vraiment posée, pas toujours en tout cas, quoi. Et qu'une manière de peut-être redonner du sens à ce patrimoine, c'est d'en faire un espace de discussion et peut-être de lutte mémorielle où on assume qu'on n'a pas la même lecture sur ce passé-là, sur ce qu'on lui doit et ce qu'il nous doit en tout cas, ce qu'on lui a laissé, quoi. Et là-dessus, je pense que sur l'histoire de l'industrie et l'histoire des territoires industriels, c'est un espace, c'est une perspective de redémocratisation des espaces que de se dire qu'est-ce qu'on ouvre comme espace de discussion sur cet héritage-là, ces legs patrimoniaux-là. Pourtant, à Saint-Étienne, la décision finale du projet a été prise par les élus malgré une opposition locale, notamment face à la destruction de certains des bâtiments. Dans quelle mesure la quête d'attractivité, même si elle est portée par des gouvernements locaux, favorise-t-elle une gouvernance verticale et au détriment d'une gouvernance plus horizontale et qui serait ouverte à d'autres acteurs de la société civile ? Quand l'attractivité désigne effectivement c'est son acception un peu ordinaire, hein, ces efforts déployés vers l'extérieur et vers l'ailleurs et vers le futur non advenu et qui n'adviendra peut-être jamais, elle fait abstraction, elle se déconnecte de l'existant, quoi. Donc c'est ce qui se produit de manière très forte à l'Union et c'est ce qui est visiblement aussi à l'œuvre ici à Saint-Étienne. Et donc, qui dit déconnexion sur le plan des usages, sur le plan du rapport à l'espace, dit potentiellement aussi forme de fermeture de la décision, quoi. Et c'est l'attractivité n'a pas le monopole de la décision technocratique et non concertée. On le faisait déjà au nom de la modernisation, de la construction de la ville moderne, des grands ensembles, des autoroutes, des zones à urbaniser en priorité. Et c'est là où il y a peut-être une discussion affilée avec mes critiques vis-à-vis de la thèse, des thèses sur la ville néolibérale. C'est que je ne suis pas sûr que le général de Gaulle était beaucoup plus démocrate que les fonds de pension qui financiarisent l'immobilier des quartiers de l'ère dite néolibérale. L'avantage, c'est qu'on avait un interlocuteur identifié et que c'est peut-être plus compliqué désormais de savoir où et comment se prend la décision parce qu'on a des bureaucraties qui se sont complexifiées avec des échelles supplémentaires, etc. Une des grandes limites des politiques d'attractivité, c'est leur déconnexion vis-à-vis des sociétés locales, et ça passe aussi sur le plan politique. Et c'est d'ailleurs ce qui se joue à Hambourg, où même si une partie de l'existant a été ménagée et pas reléguée, pas démolie, c'est toute une vie associative qui a été contournée précisément parce que les objectifs de développement de l'économie de l'immobilier primaient sur ce qui aurait pu être autrement mis en place si on s'était intéressé aux intérêts des premiers et premières concernés et si on leur avait donné voix au chapitre, quoi. Mais ce n'est qu'une recomposition de la verticalisation de la décision et de la vie politique dans des dites démocraties représentatives, quoi, où de fait les institutions ont rarement des espaces avec des contre-pouvoirs qui permettent à une grande diversité de voix d'être entendue. En tout cas, il y a du chemin à faire pour se rapprocher d'institutions effectivement démocratiques, quoi. La quête d'attractivité semble imposer un cadre d'action dominant par les stratégies de marketing, ici par la régénération, par la culture, par ce que nomment Dumont et Roy les bonnes pratiques. Dans quelle mesure cela limite également les possibilités de transformation d'un espace en friche et les possibilités d'appropriation ? Vous montrez que ces politiques d'attractivité ne fonctionnent pas, ça pose légitimement la question, pourquoi est-ce que cette quête est aussi récurrente ? Des exemples de décroissance planifiée comme à Détroit nous amènent à poser la question, est-ce que ces villes en déclin ne sont pas justement des terreaux propices à des initiatives et des politiques urbaines alternatives ? Je suis d'accord avec la fin de votre série de questions et interventions. Je pense qu'il y a quelque chose de particulièrement désajusté dans les politiques d'attractivité qui sont mises en place dans les territoires où une partie des capitaux ont été déplacés, où une partie des activités économiques ont été délocalisées, une partie de la population est partie. C'est une des caractéristiques communes à Roubaix et Saint-Etienne, d'avoir un déclin démographique, etc. Et cette idée qu'il faut qu'on s'adresse à ceux qui sont partis pour les faire revenir, en l'occurrence à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, pour les faire s'installer dans l'espace qui a été libéré, c'est ce que je qualifie de... C'est de ça dont je voulais parler quand je parlais de politique contracyclique. Qu'on crée énormément d'efforts pour aller dans la direction opposée de celle que, dans laquelle la trajectoire de désindustrialisation de la ville est engagée. Mais de cette manière-là, on risque d'accentuer le déclin qu'on prétend conjurer. Et il y a un enjeu, je pense, et c'est là où il y a des potentialités pour faire des politiques alternatives, mais ça vaut pour les villes où se concentrent les capitaux, les activités et les personnes. Mais en particulier dans les villes en décroissance qui connaissent ces restructurations-là, il y a un enjeu de valoriser l'existant, en fait. Parce que ce qu'on présente comme une ville en décroissance, elle a aussi des tas de potentialités liées aux usages des personnes. Et là-dessus, les travaux du collectif Rosa Bonheur, la ville vue d'en bas sur les centralités populaires, et sont assez révélateurs des mots qui ont manqué aux sciences sociales pendant si longtemps pour penser à quel point, d'un certain point de vue, en l'occurrence du point de vue des personnes qui vivent la ville, un marché de l'immobilier détendu, c'est une ressource, en fait, parce que ça permet de se loger pour pas cher, ça permet d'accéder à un local pour monter une entreprise pour pas cher, faire de la mécanique de rue, c'est rendu possible que dans les quartiers où il n'y a pas un contrôle social démesuré de la bourgeoisie qui laisse les gens réparer des voitures sur le trottoir, et ça permet de réparer sa voiture pour ceux qui en ont une, le moins cher possible, et d'avoir une activité lucrative facile d'accès pour ceux qui ont développé des compétences de mécanicien. Et tout ça fait économie, même si ce n'est pas déclaré, même si sur le papier on parle d'inactif, il y a un travail de subsistance qui a une valeur sociale et qui s'intègre dans des relations de solidarité, de proximité qui est conséquent. Et ça, typiquement, c'est des choses que les grilles en termes de croissance, de mixité d'attractivité ne voient pas, parce que elles, pour le cas de l'attractivité, elles projettent une sorte de modèle de développement et de modernité qui est complètement abstrait, complètement déconnecté des besoins et du vécu des personnes, quoi. Donc le foncier à peu près disponible et accessible, c'est une vraie ressource et qui mérite d'être préservée et d'être collectivement discuté de ce qu'on voudrait et pourrait en faire. Et là, les espaces dont une partie des investisseurs sont partis disposent de ces potentialités-là. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais en tout cas, l'idée que le retour du capital serait la source du retour de la prospérité et de la réponse aux besoins des personnes, c'est fortement contestable, parce que même quand ça se produit, et c'est un des résultats de mon enquête et qui illustre le cas en bourgeois, c'est que il y a des formes d'économie qui se font aux dépens des usages et des besoins des personnes, en fait. Se réjouir de la relance du marché de l'immobilier, c'est ne pas voir que ça va dégrader les conditions de vie et le reste à vivre de 60% de la population j'exagère peut-être un petit peu, je ne sais plus les taux de locataires en France, mais de 40% de locataires qui de fait sont dépendants de ces logiques marchandes-là. Et à partir du moment où il y a des formes d'économie dont les profits se font aux dépens des besoins premiers d'une autre partie de la population, il y a un enjeu à se libérer de ces impératifs de croissance, d'accumulation. Et on n'a pas commencé à parler d'écologie, mais je veux dire, toutes les impasses dans lesquelles on est socialement embarqué sont liées au fait que on s'est pas doté des institutions pour se libérer de l'impératif de la croissance qui, on le sait, ça a été maintes fois démontré, a des conséquences sur les écosystèmes dans lesquels on vit qui sont assez critiques, quoi. Et donc là-dessus, il y a un enjeu à se redoter des outils pour prendre en considération l'existant, le connaître et partir de là pour construire la ville dont on a besoin à partir des besoins fondamentaux des personnes. Je m'arrête là. Vous disiez tout à l'heure que l'action publique n'est pas univoque et ne doit pas être seulement perçue au prisme d'une logique néolibérale. Si dans les années 2000, la manufacture a été investie d'une nouvelle image marketing, faisant de la... Donc c'était celle du design, faisant de la manufacture une vitrine, avec un musée notamment sur le design. Par la suite, dans la reprise du projet de la manufacture et du quartier Plaine Achille qui est adjacent, l'équipe de l'architecte et urbaniste Alexandre Tchemetov semble davantage reconnaître le patrimoine industriel. Il a par exemple été fait le choix de réemployer ce patrimoine pour un programme plus ordinaire. Il y a une école primaire notamment. Pensez-vous que les pratiques des professionnels et des élus évoluent aujourd'hui? Je ne sais pas trop. c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a quelque chose de très général et de très optimiste. Alors, j'ai du mal à l'être, et puis nos sciences sociales telles qu'elles sont structurées ont du mal à nous donner des ressources pour l'être. Je pense que sur un certain nombre de sujets, il y a des normes professionnelles qui évoluent dans un sens moins absurde qu'elles ont pu... que les normes passées, mais c'est vrai que j'ai un certain nombre de doutes quant au fait que la question est de savoir est-ce qu'on forme bien nos urbanistes, nos architectes. Je pense que la réponse, elle se situe plus dans les institutions dont on se dote pour qu'ils soient contraints d'entendre des voix qui ne sont pas celles des experts et des personnes qui sont issues des mêmes milieux. Et que tant qu'on n'aura pas ou plus ces canaux de représentation des intérêts de l'essentiel de la population et des plus démunis en particulier, les bonnes idées qui naîtront dans la tête de gens qui viennent de milieux privilégiés et qui sont dans des institutions qui ne leur permettent pas ou qui ne leur permettent de ne pas entendre les voix des personnes qui ne sont pas représentées, feront que, quelle que soit la solution qu'ils mettent en œuvre, il y a un moment ou un autre où elle aura du mal à se faire au service des premiers et premières concernées. Donc là, je pense que ça pose des grosses questions de démocratie qu'on évoquait juste avant, hein, sur ce que, qu'est-ce que c'est que nos institutions dites démocratiques et de quoi on se dote pour que la décision soit prise en lien avec les besoins, les intérêts, les représentations du plus grand nombre. Mais le chapitre 2 de mon ouvrage, il montre comment en 30 à 40 ans, on a des générations de réformateurs qui essayent toujours de tirer le son du passé, mais du passé le plus proche dont on se distingue pour dire on va faire différemment. Et quand on voit la rénovation urbaine des années 50-60 qui démolit massivement, la politique de la ville qui dit il faut arrêter la démolition, faire participer les habitants et agir de manière intégrée en ne traitant pas que le bâti et en répondant aussi aux problématiques sociales et économiques pour après revenir au renouvellement urbain par grand projet, à la mode de l'Union ou à la rénovation urbaine de la génération en rue qui revient à de la démolition massive, on a un peu l'impression d'une histoire qui recommence aux années 60 pour ne pas nous reprojeter encore chez Haussmann à la fin du 19e siècle. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer le pouvoir des idées et que même si on forme très bien nos urbanistes avec des supers idées, si on ne les connecte pas physiquement, institutionnellement à d'autres intérêts et à d'autres rapports au monde qui sont ceux des premières concernées, il est fort probable qu'à un moment ou un autre, la fermeture de la sphère décisionnelle les amène à gouverner en défaveur du plus grand nombre et en entretenant la défiance tout à fait légitime des premiers et premières concernées. Donc c'est pour ça que souvent quand j'interviens aux côtés de futurs urbanistes et architectes, j'en arrive souvent à ce type de considération sur quelles sont les libertés associatives, comment est-ce qu'on peut redémocratiser l'espace politique pour durablement s'assurer que les personnes à qui on délègue temporairement, à qui on donne temporairement le mandat de participer à la production de la ville, qu'elles soient tout le temps redevables et amenées à se poser la question de mais en fait, est-ce que j'ai vraiment la réponse à ça et est-ce que je peux ne pas être finalement que la personne qui met en œuvre au service d'eux, parce que les citoyens, citoyennes, les habitants d'une ville, ils ont souvent tout à fait les compétences de savoir ce dont ils ont besoin et envie pour leur ville, et c'est plus les compétences techniques qui leur manquent, et c'est là où l'expert doit entrer en jeu. Mais il doit, à mon sens, être réintégré dans ce rapport d'interdépendance vis-à-vis des premiers et premières concernées, et pas seulement à la fin du projet ou sur la couleur des bancs, ou, mais bien en permanence et en assumant aussi le conflit. Du coup, ça implique de savoir que y a pas un peuple, mais il y a bien des milieux, des types de personnes qui ont des attaches et des intérêts différents. Et la question, c'est comment on les fait cohabiter plutôt que de savoir quelle minorité on érige en universel qu'on impose aux autres perdants de l'histoire. Quoi. Ça m'a eu l'air d'être une discrétion, mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Justement, vous dites d'écouter les premiers concernés. Quels conseils, face à la gentrification, proposeriez-vous à de futurs urbanistes que nous sommes ? Comment faire face à cet objectif d'attractivité ? Quelles en sont les alternatives ? Si elles existent. Le problème de la plupart des alternatives, c'est qu'elles se situent à une autre échelle que celle du projet urbain. Le cas de Hambourg est révélateur de ça, c'est que si on ne se dote pas des outils de démarchandisation du logement à une échelle au moins nationale, si ce n'est européenne, on pourra avoir les meilleures intentions du monde si on a une société locale qui se structure autour d'une économie de l'immobilier dont la principale source d'enrichissement est la marchandisation du logement et du foncier. On aura beau avoir les meilleures idées de la terre et faire les plus belles instances participatives qu'il soit, on aura des logiques de fabrique du projet et de son financement et de sa mise en œuvre qui se feront aux dépens des usages, en fait. Et donc il y a, je pense, des fondamentaux sur lesquels il faut revenir, qui sont les choses dont on a besoin pour vivre en tant que société, qui méritent d'être discutées démocratiquement et collectivement, et à partir desquels il y a des droits fondamentaux qu'il faut inscrire dans le droit, dans la loi. Et donc on a réussi à tenir un tout petit peu à l'abri des logiques de marchandisation la santé. Pas complètement, mais on a des pistes sur ce que peut être la socialisation de nos vies et de notre bonne santé. Et reste à le faire à propos du logement et à propos de l'alimentation. Et il faut réinscrire dans nos constitutions des espaces de non-marchandisation, parce qu'à partir du moment où on laisse le marché y rentrer, on aura beau avoir les techniques et les bureaucraties les plus formées possibles et même les plus connectées aux dispositifs participatifs possibles, on aura... très probablement de gros soucis à protéger et à répondre aux besoins fondamentaux de toutes et tous, quoi. Donc c'est en ça où je pense qu'on a des outils qu'on a tendance à oublier, qui sont tous les outils d'assurance sociale et de socialisation de ces besoins fondamentaux. Pour ce qui est du logement, je pense que pour le résumer, il y a à la fois à réinvestir le logement social pour développer ce logement démarchandisé, mais en reposant une question démocratique de où est-ce qu'il est installé et à qui il est effectivement attribué, chose qui n'est pas du tout faite aujourd'hui et qui avec des plafonds de revenus tellement élevés que y a de fait la possibilité d'y placer les ménages qui en ont moins besoin que bien d'autres. Et après, il y a la question de son financement qui va avec celle de la régulation et de l'encadrement et dans l'idéal de la non-marchandisation de l'espace. Mais que tant qu'il y a la marchandisation de l'espace, le foncier pour faire du logement social est extrêmement cher et les alternatives des personnes qui auraient un peu de revenus ailleurs que dans le logement, pour loger ailleurs que dans le logement social sont très limitées. Donc c'est à ces échelles nationales-là de régulation de la rente privée et de reconstruction du logement social que, à mon sens, se trouve le cœur des solutions. Donc pas complètement dans le monde de l'urbanisme, même si je pense que savoir construire, avoir des compétences techniques pour décider de comment est-ce qu'on aménage la ville, ça, c'est indispensable. On peut souhaiter que ce soit fait de la manière la plus socialisée possible. On va passer un tout petit temps de questions de l'Assemblée, s'il y en a. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais revenir un petit peu dans l'univers théorique que vous mobilisez. J'ai pas mal lu tout ce qui est des mouvements territorialistes, le biorégionalisme. Je ne sais pas trop si c'est des courants qui peuvent vous parler. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'appointances en fait, avec les notions que vous mobilisez, la notion de valeur ajoutée territoriale, le questionnement sur l'autogouvernance locale, quels acteurs on va mobiliser, comment on remet un rapport entre le territoire et les producteurs. Enfin, tout ce genre de notions que vous mobilisez très bien, en parlant plutôt d'Henri Lefebvre et de ses successeurs. Je voulais savoir du coup, si vous connaissiez ce mouvement territorialiste ou s'il y a... Il y a d'autres mouvements comme ça, plus issus de la géographie des urbanistes, que vous avez entendu parler, que vous pouvez mobiliser en tant que sociologue pour forger un petit peu vos questionnements et armer un peu plus ces questions de sociologie urbaine. Alors, je ne connais pas ni le territorialisme ni le biorégionalisme et je pense que c'est lié au fait que, de ce que j'en comprends, de ce que vous en avez rapidement dit, c'est des champs de recherche qui viennent nourrir les pensées des alternatives. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est très lié à comment on peut faire justement toute cette discussion qu'on a là sur comment on part de l'existant, comment on recrée une gestion de l'espace en lien avec les besoins des premiers premières concernés. Et c'est des choses auxquelles j'ai fini par apprendre à répondre, parce que c'est sans cesse à ces questions-là qu'on nous renvoie en tant que chercheurs sur les questions urbaines, etc., de fabrique de la ville. Mais moi-même, ça n'a jamais été l'objectif de mes recherches que de construire l'alternative, en fait. Aussi dans cette idée un peu d'idéal démocratique, que c'est plutôt à l'échelle de l'Assemblée, en lien avec d'autres expertises, mais aussi et surtout les expertises d'usage des premiers et premières concernés, que ces alternatives peuvent être construites, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu peu l'occasion de croiser ces courants-là, et qu'en tout cas, s'il y a des convergences, c'est plus lié au fait que, en critiquant des choses spécifique, j'en arrive à penser qu'il y a des alternatives à construire dans cette direction. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à me dire que les sciences sociales peuvent être un outil pour construire les alternatives. Notamment parce que moi-même, mes propres idéaux et conceptions de qu'est-ce que pourrait être une autre ville et comment est-ce qu'on pourrait repenser différemment ces questions-là d'aménagement, de ménagement de l'espace, c'est beaucoup plus dans des espaces associatifs que je me les suis forgés. Une association de droit au logement dans laquelle je suis bénévole depuis 8 ans maintenant, qu'à la lecture des livres. En fait, je pense que j'ai quelque chose. Il y a quelque chose qui me... Et ça fait peut-être écho à la question sur pourquoi il y a aussi peu les vrais gens dans l'enquête. Et j'ai encore du mal à me sentir complètement à l'aise à l'idée que les sciences sociales peuvent avoir un usage immédiat dans la construction d'alternatives. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a c'est des outils de compréhension de l'existant et que la construction de l'alternative, c'est un processus démocratique qui doit se passer dans des espaces bien plus ouverts que ne le sont les espaces académiques dans lesquels on évolue, quoi. Mais du coup, ça, je serais intéressé de savoir ce qu'il y a dans ces courants-là et puis peut-être d'aller sérieusement m'y pencher parce que c'est pas parce que ils formulent les choses différemment ou qui sont peut-être plus connectés à une réflexion sur les alternatives que sur une critique de l'existant, que c'est pas des savoirs utiles dont j'aurais tout à fait à gagner à intégrer, quoi. Mais il faudra qu'on en discute. Ouais, moi je... Merci déjà pour ta venue et tes réponses. Moi, je ne vais pas revenir sur Lefèvre, mais... mais c'est un petit peu quand même. Moi, j'étais, en fait, j'ai réparé les étudiants aussi à ce truc sur Lefèvre aussi. Qui... À ton cadre théorique, moi, je suis assez d'accord sur, pour continuer. J'avais des questions sur les mouvements sociaux. Tu as bien répondu. Je suis assez d'accord avec le fait que voilà, ce qui t'intéresse, toi, ce n'est pas ton objet. Ton objet, c'est ceux qui décident. Qui décide, comment on décide, et pas voilà, la mémoire des vaincus. Voilà, il y en a d'autres qui le font. En t'écoutant, j'ai l'impression d'entendre un peu Castells en 68 qui nous dit la sociologie urbaine, et je suis assez d'accord, c'est la production de l'espace d'un côté, et c'est complémentaire avec ceux qui analysent, ceux qui proposent des alternatives, en fait. Ce que tu ne fais pas forcément là, ce n'est pas ton objet, donc c'est complémentaire. Je suis assez convaincu par ta réponse. Le rôle de l'urbaniste, je suis convaincu aussi par ta réponse. Moi, c'est ce que je pense aussi également. Par contre, moi, là où je m'interroge, c'est, tu parlais d'une action publique qui mène, tu parles dans ton bouquin et tu en as reparlé, d'une action publique qui mène à une dévalorisation du quartier qu'on prétend inverser, en fait. Tu as dit au début que tout le monde en a conscience. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça dont on a conscience ? Pas tout à fait, je pense. C'est pas le même truc, en fait. Et là, on peut parler d'idéologie, du coup, qui se diffuse et qui, voilà, dont... On croit qu'on va améliorer les quartiers. Personne ne dit, je continue mon... Les aménageurs, les urbanistes ne disent pas, on continue en disant, on va dévaloriser, on va continuer la paupérisation, on va faire de la gentrification, etc. Et ça, c'est un peu la politique de la ville, et tu l'as dit, c'est un peu la suite de la politique de la ville, c'est un peu la suite de la politique des grands ensembles. Tu es remonté jusqu'à Haussmann, je le fais aussi. C'est un cercle, c'est toujours la même chose, en fait. On dévalorise des choses en prétendant les en ayant pour objectif de les valoriser. Et ça mène à des trucs que je trouve très intéressants dans ton livre, c'est l'impuissance des aménageurs et des décideurs. Donc les mouvements sociaux sont impuissants, mais les déménageurs, les décideurs, ils agissent malgré eux aussi. Les conséquences, enfin, c'est aucun politique ne dit moi je veux dégrader mon quartier. Aucun, alors si la gentrification, si ça, c'est une autre histoire, mais personne n'est contre la mixité. Enfin, et ça, c'est ce que tu montres vraiment. Moi, ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est l'impuissance. L'impuissance des acteurs. Et ça, ça fait référence à tout un courant des études urbaines que moi, j'apprécie beaucoup. Roncaiolo, on peut remonter à Alvax, etc. Qui nous disent, voilà, les aménageurs, les décideurs, ils sont impuissants, comme le Roncaiolo qui dit que l'architecte, l'urbaniste, le maire, l'empereur, le préfet, il croit que c'est son coq qui fait chanter, c'est le chant du coq qui fait lever le soleil. Il croit que c'est lui qui fait la ville. C'est pas lui qui fait la ville. Et tu nous montres, et c'est ce qui est intéressant dans ton livre, c'est les forces économiques, le foncier, etc. L'investissement privé qui suit ou qui ne suit pas. D'ailleurs, on essaie de faire venir, mais il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant. Et ça, tu t'inscris dans un truc. Donc, moi, je pense vraiment que les deux sont complémentaires, en fait. Il y a, comme tu le disais, ça m'a convaincu, il y a ceux qui décident et ceux qui font, malgré eux aussi, parfois, malgré ce qu'ils veulent faire. Et ceux qui proposent des alternatives, et bon, on en revient au truc de Castells et au marxisme urbain et à Lefèvre. Voilà, c'est tout ça qui fait la ville, en fait. C'est pas juste les décideurs qui font l'inverse de ce qu'ils ont prévu de faire ou les aménageurs qui font l'inverse de ce qu'ils ont prévu de faire. Et bon, c'est, je pense que voilà, c'est pas vraiment une question, mais moi, c'est ce que j'ai retenu de ton... En tout cas, ça me donne plein d'envie de rebondir. Merci beaucoup. En tout cas, je me retrouve dans... Enfin, je trouve que... Je suis content, t'as entendu ce que j'avais envie de dire et envie d'écrire. Quand je disais qu'ils avaient conscience de leur action, on n'est jamais sûr de la pleine conscience, c'est-à-dire c'est ça qui est intéressant avec les observations dans des contextes différents, c'est que des gens, quand on les accompagne, dans un entretien, on discute avec eux, ils peuvent en venir à avoir une forme d'autocritique, et souvent sans qu'on les pousse trop. En particulier quand ils sont dans cette position d'intermédiaire que j'évoquais, de gens qui n'ont pas complètement défini les objectifs qu'on leur a assignés, tous les cadres de la production de l'action publique, et là, en l'occurrence, les urbanistes, les chargés de projet. Ce dont ils ont conscience, c'est en partie leur impuissance publique. En tout cas, ils recomposent des objectifs à l'aune de ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire bien moins que ce qu'on affiche dire faire. C'est là où très vite ils nous disent « Ah, vous savez, les gens qui s'installent à l'Union, c'est au mieux Les entreprises qui s'installent à l'Union, c'est des entreprises qui sont venues de Villeneuve-d'Ascq, c'était à 12 km d'ici. Elles sont venues parce que le patron connaissait Martine Aubry, qu'elle l'a demandé de venir s'installer là, il connaissait les élus. C'est ce type de petite tractation dont les techniciens ont conscience et où ils savent bien qu'ils ne sont pas sur la carte du monde au Salon international de l'immobilier à glaner des investisseurs et des implantations comme si ces derniers étaient sur la carte du monde à s'installer en fonction des avantages et inconvénients de chacune des localités. Donc le fait qu'on est sur des flux de personnes et d'entreprises relativement localisées, ça c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Sur leur rôle dans la dégradation des territoires qu'ils gouvernent et qu'ils prétendent valoriser, c'est plus ambivalent, notamment parce que celle-ci, elle devient lisible à une échelle chronologique assez distendue, en fait. Et où souvent, pour les acteurs du projet, à l'Union en particulier, ils arrivent en 2006 ou 2007, ils me disent « l'Union c'était une friche, il fallait la développer ». Tout à l'heure, à propos de Saint-Étienne, vous lisiez un extrait où vous repreniez des éléments en disant « des friches apparaissent ». La friche, c'est toujours le fruit d'une décision politique, au moins de l'investisseur ou de l'entrepreneur qui décide de délocaliser son activité, éventuellement quand il est amené à déposer le bilan et qu'il n'y a pas de repreneur derrière. Mais quand on s'intéresse à l'histoire de l'économie, on voit que la désindustrialisation, c'est le fruit de multiples décisions politiques. De l'État qui, souvent, au nom de l'industrialisation, va encourager des concentrations d'entreprises, leur financiarisation, défiscaliser au service de fusion pour favoriser les grands groupes, qui ont pour conséquence la fermeture de tout un écosystème qui gravite autour des groupes en question et qui vont leur donner la rampe de lancement pour réorganiser leur système productif, leur appareil productif à l'échelle internationale et de fait finir par délocaliser et de fait laisser des espaces vacants. Et donc c'est là où il y a une perspective critique nécessaire, au sens une rupture avec le sens commun, c'est-à-dire un pas de côté en termes de méthode par rapport à ce que voient et comprennent les agents, les chargés de projet, les urbanistes que j'ai rencontrés. Et c'est là où les archives sont déterminantes, parce qu'il faut remonter à l'histoire du projet et retrouver une mémoire que les gens n'ont plus. Et où leur dire non, en fait, l'histoire du projet, c'est pas 2006, c'est 96. Et 96, j'ai des photos de ça, le quartier de l'Union, il y a encore plein de petites entreprises, il y a encore des centaines d'habitants, il y a encore des commerces et des entreprises qui continuent de s'installer. Donc le quartier a une vie. Ce n'est pas l'urbanisme qui apporte la vie dans un champ de ruines, c'est l'injonction à la promotion de l'attractivité et à l'identification d'un site d'excellence qui est censé accueillir quelque chose d'inédit et d'absent sur le territoire, qui organise cette table rase et ce déclin urbain. Donc là-dessus, c'est là où la combinaison des méthodes, elle est aussi importante et où il est important de faire un pas de côté en termes de découpage chronologique en ne partant pas des découpages officiels pour remonter à l'histoire proche et un peu plus lointaine de ce qui fait qu'on en est arrivé à ce type de dévalorisation. Après, je nuancerais peut-être, je ne sais pas si ça l'est comme ça chez Lefebvre ou Roncaiolo ou Albax, mais dans le résumé que tu en fais, on a l'impression que c'est le grand capital qui, lui, décide de tout. Et je pense que c'est important de repolitiser aussi ces processus économiques en allant identifier les espaces institutionnels où ces logiques d'accumulation ont vu le jour, en rappelant ce que ces profits privés doivent à la puissance publique. La marchandisation du logement, ce n'est pas un processus spontané. C'est des réformes législatives sur réformes législatives qui libéralisent l'accès au crédit, qui libéralisent et sécurisent ce que c'est que la promotion immobilière et le fait de faire de la vente en état futur d'achèvement. C'est des dispositifs de défiscalisation qui encouragent les investisseurs à placer leur argent dans un logement plutôt que dans une coopérative ou dans une entreprise parce que ça devient plus rentable grâce à l'intervention de l'État qui investit par des dépenses fiscales d'investir dans de l'immobilier. C'est des décisions politiques multiples de gens qui savent très bien ce qu'ils font. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas la même lecture des mécanismes et ils pensent que la marchandisation du logement, ça peut peut-être servir à l'intérêt général. Mais je pense qu'il arrive un moment, la question de ce en quoi les gens croient vraiment et ce dont ils ont réellement conscience, elle devient presque secondaire parce que ils le savent et ils ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est aussi, les gens qui produisent ces études-là, ils travaillent aussi au service des fédérations de promoteurs et ils défendent aussi des intérêts. Et à la fin, la question de est-ce que ça sert vraiment ou pas l'intérêt général de marchandiser le logement, elle devient secondaire en fait. Parce que c'est tout à la fois, c'est-à-dire qu'on fait insuffisamment d'études sur les conséquences de cette marchandisation du logement l'accès effectif au logement, sur le droit au logement de manière générale. Et tant qu'il n'y a pas l'alternative qui va démontrer qu'on peut produire du logement autrement, ou en tout cas que ces alternatives sont insuffisamment visibilisées, on arrivera très difficilement à redémocratiser ces questions-là. Et toutes les questions qui tournent autour de comment faut former les urbanistes et est-ce qu'on peut être optimiste demain en notre capacité à tirer conséquences des erreurs, etc., elles s'ancrent un petit peu dans cet idéal idéaliste qui consiste à dire on va réussir à un moment à avoir suffisamment les bonnes informations pour avoir conscience de ce qu'il faut faire. Mais en fait, ce qu'il faut faire, il n'y a jamais de réponse au singulier parce qu'on a des intérêts trop divergents et qu'il y a des gens pour qui il y aura une autre solution parce que c'est dans leurs intérêts et c'est des intérêts contradictoires qui fait que quand on sert les intérêts des uns, on ne peut pas servir les intérêts des autres. Bon, mais tout ça pour dire que je pense que c'est important de faire de la sociologie économique parce que ça montre aussi le caractère très politique, très institutionnalisé, très contextualisé, très contingent et du coup très, très fragile de ces conventions économiques. En fait. C'est, même si aujourd'hui elles ont l'air universelles, elles sont le fruit d'une construction sociale. Et ce qui a été construit par les uns peut être déconstruit par les autres. Quoi. Et c'est là où il y a peut-être des possibles démocratiques qui s'ouvrent, et c'est peut-être dans cette perspective-là que j'ai l'impression qu'on peut avoir une utilité en tant que science sociale. C'est rappeler qu'il n'y a pas d'évidence, ça a pu être autrement avant et ça pourrait être autrement après. Quoi. Et c'est important en tout cas d'en discuter. On ne peut plus partir du principe que le marché du logement c'est la panacée et que la croissance économique c'est la base de toutes nos décisions politiques. Mais que du coup, il y a un enjeu à pondérer ce sur quoi la puissance publique peut avoir une inflexion, peut avoir, ce sur quoi on peut avoir une puissance publique ou une puissance collective, et ce sur quoi il est contre-productif ou inutile d'essayer de continuer à s'acharner en essayant de marchandiser des choses qui ne le seront pas ou de développer des espaces où de fait les efforts qu'on déploie ont plutôt des effets contre-productifs ou en tout cas donnent lieu à des destructions d'elles que la création de valeur qui advient ensuite n'en vaut pas du tout la chandelle, quoi. Mais ceci étant dit, j'étais très plus roncailleux et advax, moi, et même le faire, en fait. Donc, je veux bien un petit programme de lecture pour la suite de la discussion. Je vais pas poser mes questions. Enfin, j'ai juste une remarque. Non, juste une remarque. Et puis je garderai l'essentiel de mes questions pour demain matin. Enfin, deux remarques, en fait. D'abord, c'est vrai qu'en t'écoutant, tu insistes beaucoup sur l'impuissance donc, des aménageurs, l'incapacité politique, ça a été dit, notamment face au choix résidentiel des ménages ou au choix d'implantation des entreprises, donc les fameuses forces économiques. Je pense que c'est important de rappeler, en effet, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, en fait, il y a des interactions entre les acteurs publics et les acteurs privés et les individus. Et c'est pas non plus des... Comment dire? Les forces économiques sont pas toutes puissantes face aux acteurs publics et qu'il y a quand même des moyens de les contraindre et de les réguler. Et ça, moi, c'est des choses sur lesquelles je trouve qu'on travaille pas suffisamment de manière un peu fine. Et j'avais une seconde remarque sur la question du rôle des idées et des croyances. Ça fait un peu écho aux discussions, mais j'ai quand même le sentiment qu'on aurait vraiment besoin d'une analyse un peu systématique des formations, des professionnels, et parce que je crois quand même qu'il y a des formes de continuité entre ce qui se passe entre ce qui se joue dans les écoles, les modalités de recrutement de ces professionnels, et ce qu'on observe en fait dans les pratiques, mais des années plus tard. Et là, je pense notamment au travail, alors c'est pas du tout sur les questions urbaines, mais je pense au travail de Ulrike Le Pont sur les politiques de santé aux US, qui déconstruit en fait la notion de tournant néolibéral précisément, en montrant que en fait, la conversion à l'économie de la santé qu'on observe dans les années 80 et qu'on a pu interpréter comme un tournant néolibéral, en fait, pour le comprendre de manière fine et précise, il faut regarder les profils, les trajectoires des hauts fonctionnaires dans les administrations de la santé américaines. Regardez comment ils ont été formés. Et donc, pour cela, remonter en fait, aux années 30, au macartisme et au financement des programmes de recherche. Et en fait, elle montre des formes de continuité entre les financements de la recherche, la formation des étudiants, la formation des hauts fonctionnaires et en fait, ensuite, ce qu'ils vont mettre en œuvre en termes de politique publique. Et du coup, alors, on est sur des temps extrêmement longs, ce qui permet aussi de mettre en évidence des formes de continuité et de déconstruire cette idée de tournant. Mais voilà, j'ai quand même le sentiment, peut-être parce que je suis de nature optimiste, mais qu'on observe, enfin, et puis parce que je pense que la formation à UEP est peut-être assez emblématique de cela, mais que, en tout cas, il y a quand même des formes de savoir critique qui sont incorporées dans... dans les formations, dans les enseignements, dans les maquettes pédagogiques. Et que du coup, en termes de débouchés professionnels, alors effectivement, je te rejoins, je pense que les administrations, les institutions existantes ne sont pas forcément prêtes pour nos étudiants et étudiantes. Mais ce que j'observe aussi, c'est des initiatives vraiment par le bas. Et par exemple, des jeunes professionnels qui vont créer leur propre collectif. Alors, on est dans les marges. Mais du coup, avec une attention justement aux usages, aux besoins des habitants, des approches davantage bottom-up. Et du coup, des formes aussi de relocalisation du politique. Voilà, peut-être que tout ne se joue pas de manière verticale et top-down, et qu'il y a des choses qui se jouent et dont on saisit encore à peine, en réalité, les signaux. Voilà. C'était moins des questions que des remarques. Il n'y a pas forcément de réponse. Bah, si ce n'est que, oui, je pense que en me réentendant parler à l'écoute de ta question... Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire et à dire sur la manière dont on forme les gens. Quand je dis les idées, il ne faut pas surestimer le pouvoir des idées. J'ai l'espace démocratique auquel je fais sans cesse appel de manière un peu abstraite. Il se nourrit d'une bonne information et d'un accès au savoir le plus objectif et transparent possible, quoi. Et donc, c'est pas Batman ou Habermas, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le pouvoir du peuple dans toute sa diversité versus le pouvoir de l'accès à la bonne information et la transparence du débat. Il faut les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se doter des dispositifs qui permettent aux minorités d'avoir voix au chapitre parce qu'il y a des expériences vécues au nom desquelles on ne peut pas agir, qu'il faut faire agir au premier chef parce que il n'y a que comme ça qu'on arrivera à transformer radicalement certaines réalités, certaines inégalités. Mais de toute manière, on a besoin pour ça et en parallèle de ça, d'un accès à un savoir le plus pertinent, le plus transparent, le plus étayé possible. Et il faut quand même qu'on se pose la question de savoir comment on forme nos élites, parce que même si elles sont bien éclairées, si on veut pouvoir activer, voilà, ça peut être un savoir et un rapport au monde qui peut être activable quand il y a des échos aussi en dehors des institutions. Et là-dessus, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, comme tu le disais, sur comment on fait pour agir aussi à proximité des institutions ou dehors. Il y a un numéro de revue qui se prépare sur le militantisme institutionnel. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il va y avoir dedans, parce qu'il se pose à la question de comment est-ce qu'on essaye de changer l'institution de l'intérieur, mais avec une posture militante qui n'est pas prête à toutes les compromissions et qui sortira de l'institution si elle sent qu'elle n'est pas capable de la faire changer. Alors c'est un peu une autre manière de penser la réforme, parce qu'avant on avait des travaux sur les réformateurs qui avaient plutôt un regard critique qui consistait à dire, plutôt ma perspective, ce truc de « ah, ils pensent avoir la solution, ils vont nous transformer la société, mais alors ?» image et puis dans leur conception d'élite plus ou moins héritière d'une bourgeoisie intellectuelle ou économique. Et donc à partir du moment où ils ont cette trajectoire d'élite qui défend sa position, elle va être avalée par l'institution ou elle va être prête à ne mettre en place dans sa réforme que ce qui conforte déjà un peu l'ordre établi. Et là, j'ai l'impression que la perspective du militantisme institutionnel, c'est celle qui essaie de dire, en fait, il y a quand même des gens qui ne sont pas prêts à toutes les compromissions, et parce qu'ils ont cette connexion à un mouvement social qui est extérieur à l'institution et qui a envie de la subvertir, peut-être qu'ils vont être capables à l'intérieur de défendre les intérêts des personnes qui n'y sont pas représentées. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ça, et qu'en tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser et sûrement de faire un peu aussi de sociologie des sociologie des savoirs et des professionnels de l'urbanisme, parce que c'est aussi avec des bonnes idées qu'on a envie d'agir. Je pense que moi, typiquement, j'ai une trajectoire de personnes qui a été fortement politisée par l'université. Si j'arrive avec des questions aussi ouvertes et descriptives que qui a le pouvoir, c'est parce que je me pose sérieusement la question. Si j'avais déjà lu tous les néo-marxistes avant de commencer, j'aurais sûrement formulé la question autrement, parce que il y a des réponses auxquelles je suis arrivé qui sont le fruit de l'enquête empirique mais aussi parce que j'arrivais avec une relative naïveté et un degré de politisation fort limité, quoi. Et donc je pense que si je suis enseignant à l'université, c'est aussi parce que je crois en l'intérêt de diffuser des savoirs qui viennent nourrir tous ces idéaux-là dont on parle depuis tout à l'heure, de démocratie, de commun, etc. Et que donc ça, c'est quand même un des ingrédients de la recette, quoi. Je pense que voilà, il y a un enjeu à les diffuser bien au-delà des institutions et des cercles sachants, mais c'est sûr qu'il y a sûrement une, et sur le plan analytique et sur le plan politique, une manière de redonner leur lettre de noblesse ou leur... montrer que c'est aussi des choses dignes d'intérêt, que ces savoirs-là, ces connaissances-là. Merci, Clément Barbier, d'avoir pris le temps de partager vos analyses et vos recherches avec nous. Cet échange nous a permis d'approfondir notre réflexion sur la gouvernance urbaine. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous lisent. Merci de votre attention. À très bientôt pour de nouveaux échanges autour des enjeux contemporains de nos territoires. Merci beaucoup.